بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحن في الدرس السابع عشر في تفسير كتاب الله تعالى nous sommes donc au 17e cours dans l'exégèse du livre d'Allah le Très-Haut. On continue l'exégèse de Sourate At-Takwir. Nous sommes arrivés à la parole d'Allah le Très-Haut. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Et lorsque la fille enterrée sera interrogée, par quel péché as-tu été tuée? Par quel péché a-t-elle été tuée? وَهَذَا تَهْدِيدٌ لقاتلها لأنها ستجيب عن هذا السؤال بأنها قتلت من غير ذنب. Et ceci est une menace faite à celui qui l'a tué, à son assassin. Car, en toute évidence, cette fille va répondre qu'elle a été tuée pour aucun péché. Elle n'a rien fait de mal. فكان الرجل في الجاهلية إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا. Et donc, l'homme, durant la période anti-islamique, lorsqu'il lui fut annoncé qu'il avait une fille, alors son visage s'assombrissait. Il devenait sombre. وكره ذلك من جهله وسوء ظنه بالله. Et donc, l'homme, il détestait cela, le fait d'avoir une fille. Et cela par son ignorance, à cause de son ignorance et de son mauvaise opinion d'Allah. يَخَافُ عَلَى مَالِهِ وَمِنَ الْعَارِ. Il avait peur pour son argent, car la fille ne va pas travailler. Ce n'est pas elle qui va être plus apte à ramener des biens à la famille. Et donc, il avait peur pour son argent et peur de la honte liée à la fornication avec les femmes. فَجَاءَ الْإِسْلَامُ وَأَبْطَلَ هَذَا الْإِجْرَامُ وَهَذَا الظُّلْمُ. Et donc l'islam, la religion musulmane est venue et a annulé et a arrêté cette criminalité et cette injustice. وَلِنَتَأَمَّلُ كيف رفع الإسلام من شأن المرأة. Et méditons sur le fait que l'islam est élevé en degré le rang de la femme. فكان الرجل يدفن بنته حيا. L'homme, il enterrait sa propre fille vivante. Il l'enterrait vivante. وغير ذلك من القبائح. Et autre que cela, parmi les actes immondes. فجاء الإسلام وحمل مرأة. Alors la religion musulmane est venue et a protégé la femme. Et cela, ce manque de respect envers la femme n'était pas que chez les Arabes durant la période anti-islamique. Il ne faut pas oublier que Ici en Europe aussi, il est arrivé très tard que certains ont compris que la femme avait une âme. Ça, c'est très tard, ça. Et même certains qui vendaient leur femme échangeaient leurs femmes. Et autre que cela parmi les actes immondes. Et donc regardez comment l'islam a élevé la femme, l'a protégée, l'a valorisée. Contrairement aux autres sociétés où la femme actuellement est rabaissée. Un bout de viande. Tu veux vendre des yaourts? Il faut montrer dans la publicité une femme dénudée. Tu veux vendre un téléphone? Il faut montrer dans la publicité une femme dénudée. Tu veux vendre une voiture? Il faut montrer dans la publicité une femme dénudée. C'est un bout de viande. La femme n'a plus cette valeur, la mère de famille, cette femme si importante à la société. Non, aucune valeur. Que du physique et c'est tout. Que du physique. Que ce désir animal. Il ne voit que ça en la femme. Regardez comment l'islam a élevé cette femme. Il a protégé de ce désir animal et bestial en la couvrant, la protégeant de tous ces regards pervers. Dites-moi, il y a-t-il une société actuellement qui a élevé la femme comme l'islam a élevé la femme? Une seule. Aujourd'hui, si tu regardes concernant les droits et les obligations de l'homme et la femme, les droits et obligations de l'homme et de la femme, l'islam n'a pas imposé à la femme les dépenses familiales. Mais l'islam a imposé cela à l'homme, cette fatigue quant au fait d'aller chercher la subsistance, l'argent suffisant, se fatiguant. L'islam a imposé cela à l'homme et a préservé la femme de toute cette fatigue. Quelle société a élevé la femme à un tel rang aujourd'hui? Il n'y en a pas. Falhamdulillahi ala ni'matil islam. Alors toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a accordé l'islam. Wala shakka anna al-mar'a tahtaju ila man yahmiha لكونها ضعيفة وإن كان بعض الناس يريدون أن يجعلوا الرجال والنساء سواء وهم في ذلك متناقضون. Et donc il n'y a nul doute que la femme a besoin d'être protégée, et ce par sa faiblesse, même si certains aujourd'hui veulent essayer de nous faire croire que l'homme et la femme sont égaux. Et ces gens qui disent ça, ils se contredisent dans leurs propos. Car en réalité, فَإِنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ أَحَدٌ أَوْ لَا يَخْتَلِفُ اثْنَانٌ فِي كَوْنِ الرَّجُلِ أَقْوَى مِنَ الْمَرْأَةِ. Ils se contredisent lorsqu'ils disent que l'homme et la femme sont égaux. Car les gens ne divergent pas quant au fait que l'homme est plus fort que la femme. Si tu regardes la façon dont l'homme est créé et la façon dont la femme est créée, il n'y a nul doute que l'homme a plus de force que la femme. Est-ce que les deux peuvent accomplir la même tâche? Une femme militaire, un homme militaire, est-ce que les deux peuvent accomplir les mêmes tâches? Une femme qui travaille dans la construction de bâtiments et un homme qui travaille dans la construction de bâtiments, est-ce que les deux peuvent accomplir les mêmes tâches? Personne ne dira qu'ils sont égaux. فَهَذَا فَرْقٌ مِنَ الْفُرُوقِ. Ceci est une différence parmi tant d'autres. فالله تبارك تبارك وتعالى أعطى لكل جنس ما يناسبه. Allah le Très-Haut, il a donné à chaque genre, le genre féminin et le genre masculin, il a donné à chaque genre ce qui lui convient. وأعطى لكل واحد ما يجعل الآخر يحتاج إليه. Et Allah a donné à chacun des deux genres ce qui fait que l'autre genre a besoin de lui. فالرجال محتاجون إلى النساء. Les hommes ont besoin des femmes. والنساء محتاجات إلى الرجال. Et les femmes ont besoin des hommes. فالحمد لله على نعمة الإسلام. Alors nous louons Allah pour ce bienfait qu'est l'islam. وضعف المرأة حينما تحتاج إلى من يحميها هذا من حسنها وجمالها. Et cette faiblesse que la femme a quand elle a besoin de quelqu'un pour la protéger, cela fait partie de sa bonté, de sa beauté. أنها تحتاج إلى من يحفظها من الفجار. Qu'elle a besoin de ceux qui la protègent des pervers. وَمَنْ يُلِدُونَ يَلْعَبَ بِهَا. De ceux qui veulent jouer avec elle ou jouer d'elle. فَهَذَا الْمَحْرَمْ الَّذِي يُرَاعِهَا فِي أَسْفَارِهَا وَزَوَاجِهَا. Et donc ce mahram, cet homme, ce tuteur qui va donc s'occuper d'elle et la protéger lors du mariage, mais aussi pour les voyages, pour préserver cette femme. Quelle société a élevé la femme comme celle-ci? Falhamdulillah. Alors toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ne laissez personne vous faire croire que l'islam a rabaissé la femme. Mais bien au contraire. Bien au contraire. Allah Ta'ala qui dit وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. Et lorsque les parchemins seront distribués, فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُ كِتَابَهُ بِيَمِينِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ بِشِمَالِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ. Et donc il y aura parmi les gens ceux qui prendront leur livre de leur main droite et ceux qui prendront leur livre de leur main gauche et ceux qui prendront leur livre par derrière leur dos. فَيَجِدُونَ أَعْمَلَهُمْ كُلَّهَمْ وَجُودَةً. Et donc ils trouveront toutes leurs œuvres présentes, inscrites. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il dise du bien ou qu'il se taise, le jour dernier tout sera écrit. Tout sera écrit. Tout ce que tu as dit, tu crois en Allah et au jour dernier, alors dis du bien ou tais-toi. Vaut mieux pour toi. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: wa idha as-sama'u kushitat. Et lorsque le ciel sera écorché. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ. Et lorsque l'enfer sera allumé, embrasé. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. Et lorsque le paradis sera rapproché. عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ. Alors toute âme saura ce qu'elle a avancé. Toute âme saura ce qu'elle a accompli. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. Et lorsque le ciel sera écorché. أي أن الله سيزيل السماوات يوم القيامة. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal va enlever les cieux au jour du jugement. فَهَذِهِ السَّمَاوَاتِ الشَّدِيدَ يُزِيلُهَا وَيَطْوِيهَا. Et donc ces cieux si forts, Allah Azza wa Jal va les enlever et les plier. Allah qui dit dans sourate Az-Zumar: وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ. Et les cieux seront pliés dans ses mains. Allah Ta'ala qui dit après cela, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ, et lorsque l'enfer sera enflammé, فَتُوْقَدُوا لِأَعْدَاءِ اللَّهِ فَتَلْتَهِبُوا إِلْتِهَابًا لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنْ قَبْلُ. Et donc le feu sera allumé pour les ennemis d'Allah Ta'ala. Et le feu va prendre, l'enfer va prendre feu d'une façon qui ne s'est pas encore produite auparavant. وَالسُّؤَلْ مَا هُوَ وَقُودُ النَّارِ. La question, mais quel est le combustible du feu? Quel sera le combustible du feu? Allah Ta'ala qui dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles d'un feu dont le combustible sont les hommes et les pierres. Avons-nous fait des causes pour préserver nos familles de ce feu? Allah Ta'ala qui dit « Wa idha al-jannatu uzlifat » et lorsque le paradis sera rapproché. « Aïtu karrabu wa tuzayyanu » c'est-à-dire que le paradis sera rapproché et embelli. قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله وانظر الفرق بين هذا وذاك دار الكفار تسعر وتوقد ودار المؤمنين تزين وتقرب. Le très savant ibn al-Uthaymeen رحمه الله, il dit, regarde la différence entre ceci et cela. La résidence des incroyants sera enflammée, embrasé, et la résidence des croyants sera embellie et rapprochée. Et après tout cela, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, Alimat nafsun ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a accompli. Min khayrin wa shar, de bien ou de mal. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله فينبغي بل يجب على الإنسان أن يتأمل في هذه الآيات العظيمة وأن يتعظ بما فيها من المواعظ وأن يؤمن بها كأنه يراها رأي العين. Le très savant ابن عثيمين رحمه الله il dit, il est convenable, plus que cela encore, il est obligatoire à l'individu de méditer sur ces versets très importants et de se soumettre à ce qu'ils contiennent, comme exhortation, et d'y croire comme s'il les voit de ses propres yeux, comme s'il voit les éléments qui sont cités dans ces versets de ses propres yeux. لِأَنَّ مَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ وَعَلِمْنَا مَدْلُولَهُ فَإِنَّهُ أَشَدُّ يَقِينًا عِنْدَنَا مِمَّا شَاهَدْنَا بِأَعْيُنِنَا أَوْ سَمِعْنَا بِأَذَانِنَا. Il dit, parce que ce que Allah Ta'ala nous a informé et dont nous connaissons sa signification, alors cela est encore plus certain et encore plus certain que ce que nous avons vu de nos propres yeux ou que nous avons entendu de nos propres oreilles. لِأَنَّ خَبَرَ اللَّهِ لَا يُكَذَّبْ صِدْكٌ لَكِنْ مَنَرَاهُ أَوْ نَسْمَعُ كَثِيرًا كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِيهِ الْوَهْمُ. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, parce que les informations d'Allah ta'ala ne sont pas démenties, elles sont véridiques. Parce que ce que nous voyons ou que nous entendons, il y arrive souvent qu'elle soit touchée par des erreurs, qu'il y ait des erreurs. فَكَدْ تَرَشَيْ أَلْبَعِيدِ شَخْصًا تُعَيِّنُهُ فِي تَصَوُّرِكِ وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعَ. Il se peut que tu vois quelque chose au loin et que tu penses que ce soit une personne spécifique Tu penses que ce soit une personne spécifique, mais en réalité, ce n'est pas le cas. وَقَدْ تَسْمَعُ السَّوْتِ فَتَظُنُّهُ شَيْئًا مُعَيَّنًا فِي ذِهْنِكِ وَهُوَ خِلَافُ الْوَاقِعِ. Il se peut que tu entendes un son spécifique et tu penses que c'est quelque chose de spécifique, mais en réalité, ce n'est pas le cas. فَالْوَهْمُ يَرِدُ عَلَى الْحَوَاسِ. Et donc, les erreurs peuvent, donc les, nos sens peuvent être touchés par l'erreur. Nos sens, il peut y avoir des erreurs liées à nos sens, ce que nous voyons, ce que nous entendons. لَكِنَّ خَبَرَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا عُلِمَ مَدْلُولُهُ فَلَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْوَهْمِ لِأَنَّهُ خَبَرُ صِدْقًا. Cependant, l'information d'Allah Azza wa Jal, si nous connaissons sa signification, alors il n'est pas possible qu'elle soit touchée par quoi que ce soit comme erreur, car cette information est véridique. فهذه الأمور التي ذكر الله في هذه الآيات أمور حقيقية يجب أن تؤمن بها كأنك تراها رأي العين. Il continue le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et il dit donc toutes ces choses que Allah a citées dans ces versets sont concrètes. Il t'est obligatoire d'y croire comme si tu les vois de tes propres yeux. Thumma بعد الإيمان بها يجب أن تعمل بمقتضى ما تدل عليه من الاتعاظ والانزجار والقيام بالواجب وترك المنهيات حتى تكون من أهل القرآن الذين يتلونه حق تلاوته. Ensuite il continue Cheikh Ibn Uthaymin et il dit: et après avoir eu la foi en cela, il t'est obligatoire d'œuvrer avec ce que contiennent, ce que montrent, ce qu'impliquent ces versets parmi la soumission et le fait d'accomplir les obligations et de délaisser les interdits. Profiter de ces exhortations jusqu'à ce que tu fasses partie des adeptes, des gens du Coran. Ceux qui le lisent, ceux qui le récitent comme il se doit. Fin de citation. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous placer parmi les gens du Coran, ceux qui lisent le Coran et qui le récitent comme il se doit, ceux qui œuvrent avec ce qu'il contient. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder à tous la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.